Voici le plan de mercredi pour Assemblage requis. Les sorties culturelles alternatives de Sébastien Dulude, la chronique politique de François Landry, et on reçoit Ian Kelly en entrevue et en performance dans au studio. Tout ça à Assemblage requis, mercredi 15h.